Question 22. La route sur laquelle je circule perd son caractère prioritaire à 300 mètres. Réponse A. Sur 300 mètres. Réponse B.